fête, je vous préviens, c'est pas demain que je m'y colle, que je m'y colle. Car demain j'ai décidé que j'allais squatter le canapé toute la journée, toute la journée, toute la journée, toute la journée, toute la journée, toute la journée. J'ai jamais travaillé tard, ni du matin jusqu'au soir. J'ai jamais vu la fin du film Amélie Poulain. Je me suis endormi à chaque fois, alors me la racontez pas. J'ai jamais fait de solo parce que j'ai pas le niveau. Jamais chanté en public sans tenir déjà une bonne cuite. J'ai jamais parlé l'allemand, pourtant j'ai étudié 10 ans. J'ai jamais pris de cours de chant, ce qui explique bien des choses. Toutes ces choses que j'ai jamais faites, je vous préviens, c'est pas demain que je m'y colle, que je m'y colle. Car demain j'ai décidé que j'allais squatter le canapé toute la journée, toute la journée, toute la journée, toute la journée, toute la journée, toute la journée. À la télé, j'ai pas utilisé de patch quand j'ai arrêté de fumer. Je n'ai jamais sauté en parachute à l'élastique. C'est pas que ça me fait stresser, ne soyez pas sarcastique. Je n'ai jamais tourné plus qu'un avion de papier. Je n'ai jamais fait tourner ailleurs qu'au bistrot du quartier. Je suis pas entré dans le Guinness, même si j'en bois quand même beaucoup. Jamais allé à la messe de mon plein gré, un peu comme vous. Toutes ces choses que j'ai jamais faites, je vous préviens, c'est pas demain que je m'y colle, que je m'y colle. Car demain j'ai décidé que j'allais squatter le canapé toute la journée, toute la journée, toute la journée, toute la journée, toute la journée,